Banyanga. Innocent Bibonimana sur la mise en onde. Merci de rester branché sur nos ondes. Bienvenue à cette actualité. Donc voici d'abord l'essentiel. Divergence d'opinion entre les sénateurs sur les critères d'octroi des bourses aux étudiants. Les uns proposant le critère de la note obtenue par l'étudiant, les autres proposant l'équilibre provincial. Ils l'ont dit ce mardi à Gitega lors des questions orales au ministre en charge de l'éducation et de la recherche scientifique. Le ministre de l'Intérieur appelle les autorités administratives et policières de Boubanza à la vigilance et à traquer les... L'équilibre provincial est une note d'excellence en dessous de laquelle l'enfant d'où qu'il vient n'est pas éligible. Concernant les étudiants qui reçoivent les bourses d'études et ne retournent pas au pays à la fin de leurs études, le sénateur Njiji Désiré propose qu'ils soient poursuivis et comme ils travaillent dans leur pays d'accueil, il faudrait qu'ils soient contraints de rembourser à l'État tous les frais de scolarité qu'il a débloqués pour eux. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Merci à Jean Ibigira. Depuis Gitega, de Gitega, revenons sur Bujumbura, la capitale économique. Le député Gaston Sindimungo trouve que la législature actuelle a échoué par rapport aux deux des trois missions auxquelles il devrait accomplir au cours de son mandat qui va prendre fin, à savoir la mission de plaider pour la population et celle de contrôler l'action gouvernementale. Au moment où les parlementaires actuels sont presque à la fin de leur mandat, l'ancien premier vice-président de la République, Gaston Sindimungo, trouve que la loi devrait changer pour que ceux qui vont être élus aient un mandat national, mais pas un mandat de parti politique de leur provenance, afin d'exécuter pleinement leur mission. On l'écoute. Quand on est élu parlementaire, nous avons trois missions. Il y a la mission de voter les lois, la mission du contrôle du gouvernement et la mission de plaider pour la population. Donc nous avons voté les lois telles que les lois sont. Bon, le contrôle de l'action gouvernementale, je ne dirais pas qu'on a vraiment contrôlé l'action gouvernementale. On a les premiers ministres ou les ministres viennent nous exposer, c'est tout, nous avalons. Donc pour dire qu'il n'y a pas de contrepoids au pouvoir, et surtout au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de liberté pour pouvoir s'exprimer correctement. Et cela est dit du mode de vote d'un député. Un député est élu sur une liste bloquée, proposée par un parti politique. Donc, c'est ce parti politique qui vous donne des injonctions. Donc, je vois plusieurs parlementaires qui sont au Parlement et qui disent « Oh non, on n'allait pas voter, mais on nous a exigé de faire ça et ça. » Donc, cela, c'est un handicap. Et tout en oubliant que le parlementaire est national. Il ne doit pas être au sort du parti qu'il a mis en place. Et quant à l'action de plaider pour la population, on a échoué. On n'a pas eu. Parce que le gouvernement ne laisse pas cette liberté aux parlementaires de pouvoir plaider. Imaginez un parlementaire qui pourrait demander l'audience à un administrateur et refuser. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a tant de défis au pays. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous devons dire? Non. C'est pourquoi nous demandons de changer les lois pour qu'on vote en parlementaire sur une liste individuelle. Donc ça sera un pas très important pour pouvoir asseoir la démocratie et surtout la séparation des pouvoirs. Dans cette même page politique, la Commission électorale nationale indépendante CENI et les partis politiques sont appelés à respecter le code électoral et privilégier l'intérêt du pays lors de ce processus électoral déjà en cours. Révérend pasteur Sylvain Srivitimana, secrétaire général du Conseil national des églises du Burundi, SNEB, s'est exprimé ce mercredi en se basant sur les divergences d'opinion qui ont caractérisé les dépôts des listes des candidats aux élections communales et législatives. Il ajoute que ces dernières reflètent une véritable compétition car elles impliquent plusieurs partis politiques. On l'écoute. Premièrement, une compétition, ça concerne deux ou plusieurs personnes. J'ai trouvé dans la réunion à laquelle nous avons participé, il y a plus de deux partis politiques et même les indépendants. Donc, c'est une compétition. Pour dire qu'elle est bonne ou non, c'est trop tôt de mener un jugement parce que les représentants des partis politiques qui étaient là, ils ont relevé un certain nombre de défis qu'ils ont présentés au président de la commission, à tous les membres de la commission qui étaient là-bas. Et nous pensons que la commission va donner une solution qui est relative à la loi qui régit les élections et aussi pour le bien-être de la population burundaise. Donc l'idéal et notre souhait est de prier et de donner aussi des conseils pour que les élections aillent bien, pour qu'à la fin des élections, les Burundais restent sereins, les Burundais vivent dans un pays qui est paisible, qui a la paix, parce que c'est notre maison tous. Et nous voulons demander à la CENI de respecter la règle du jeu et aussi d'organiser les élections pour qu'à la fin de tout le processus électoral, le Burundi reste paisible. Et nous prions pour la sagesse à tous les membres de la commission et nous prions aussi pour les responsables des partis politiques pour qu'ils mettent en avant l'intérêt suprême de la nation et l'intérêt que nous visons, c'est la paix et la sécurité de notre pays. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'actualité continue sur Isanganiro. Le fait que les agriculteurs de palmiers à huile de Rumonge ne reçoivent plus d'engrais chimiques en provenance de l'Office de l'huile de palme du Burundi OHP fait que la production d'huile de palme diminue. La directrice de l'OHP fait savoir que la distribution de ces fertilisants était faite à l'époque où la Société de développement régional de Rumonge SRD, qui s'occupait de cette filière, avait des partenaires qui donnaient des sponsors, ces engrais y compris au bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage. L'on sensibilise les palmiculteurs à utiliser les résidus issus de la transformation de l'huile de palme comme fertilisant. Une information que nous devons à Jean-Marie Vianney Nguenda Koumana. Quand le gouvernement burundais a instauré la culture moderne de palme à huile dans la province de Rumonge, les agriculteurs recevaient des fertilisants en provenance de la Société de développement régional de Rumonge et SRD. Par la suite, cette société est devenue l'Office de l'huile de palme du Burundi, OHP, et la situation a changé car les agriculteurs étaient obligés d'entretenir elles-mêmes leurs plantations. Certains agriculteurs de la zone Gatete en commune Rumonge témoignent que cela a été la principale cause de la chute de la production de l'huile de palme. Koda Senizgimana, directrice de l'Office de l'huile de palme du Burundi, fait savoir qu'à l'époque de la SRD Rumonge, les agriculteurs bénéficiaient des fertilisants suite aux sponsors de certaines organisations internationales. Celles-ci ont suspendu le partenariat avec la période de la nouvelle société OHP. Elle exhorte les agriculteurs de s'habituer d'acheter l'engrais chimique et d'aller les moyens. Je vous disais tantôt que les graines viennent de l'extérieur et qu'ils sont beaucoup coûteux, mais le gouvernement nous oblige de donner les plats à la population à bas prix. C'est pourquoi un plat qui a été produit à 16 000 ou 15 000 est donné à la population à 5 000. Un appel que je lance aux palmiculteurs, c'est que même s'ils sont palmiculteurs, ils ne connaissent pas les potentialités réelles du palmier à huile. Nous sommes toujours en dessous de la potentialité de la culture. Alors, il faut que fertiliser, il faut sacrer. Il faut suivre de près l'achat de palmiers à huile pour avoir exactement le rendement. Dans le but d'accroître la production, Jean-Marie Chongera, directeur du bilan provincial en charge d'agriculture, indique qu'il sensibilise les agriculteurs d'utiliser des résidus issus de la transformation d'huile de palme pour fertiliser leurs plantations. Auparavant, les résidus issus de la transformation de l'huile de palme auraient jeté dans les rivières. Mais après plusieurs sensibilisations, actuellement, ces résidus sont conservés dans des bacs de routine. Et ce sont ces résidus ici de la transformation de l'huile de palme qui sont utilisés aussi pour fertiliser ces plantations industrielles. On remercie aussi la société Eraga qui a amené une écriture appelée Pachuris, une écriture sur ombre, et on a déjà permis d'utiliser les fertilisants organominéraux pour fertiliser cette culture de palmier à huile. Quand on parle de fertilisants organominéraux, c'est-à-dire fertilisants organiques, ainsi que de fertilisants minéraux. Le directeur de la BPAE Rumonge précise que dans les plantations villageoises, les agriculteurs sont appelés à planter des palmiers à huile à une distance considérable avec intégration d'autres cultures vivrières. Restons toujours à Rumonge. Les habitants de la colline Nyagasaka, en zone Burvukiro de la commune Rumonge, réclament du courant électrique fourni par la Régie des eaux pour s'autodévelopper. Dans une réunion avec l'administrateur communal de Rumonge le soir de ce mardi, Ils expliquent que les activités nécessitant du courant électrique sont paralysées, une situation aggravée par le manque criant du carburant pour actionner les groupes électrogènes. Augustin Minani, administrateur communal d'Oromongué, dit qu'une étude préalable nécessaire pour analyser la faisabilité de ce projet. Nous devons cette information à Jean-Pierre Missago. Le manque de courant électrique fourni par la régie des eaux à l'origine de la paralysie des activités nécessitant du courant électrique aggravé par le manque du carburant a été évoqué parmi les principaux problèmes auxquels font face les habitants de la colline Nyagasaka lors de la descente sur cette colline de l'administrateur communal de Rumongue. Une habitante qui a soulevé cette question explique qu'elle a du mal à conserver le lait produit. Des activités de soudure sont quasi impossibles à l'absence d'un groupe électrogène et la conservation de certains médicaments et vaccins est également impossible à l'absence d'une bouteille frigorifique. Par ailleurs, elle explique que même les groupes électrogènes utilisés dans les mini-huileries sont actuellement aux arrêts ou fonctionnent rarement faute de carburant et à cette femme de demander que cette colline soit électrifiée. Par rapport à cette préoccupation, Augustin Minani, administrateur communal de Rumongue, dit qu'une étude préalable est nécessaire pour la faisabilité de ce projet. Il promet à cette population l'envoi dans les prochains jours d'une équipe technique à cette fin et le rapport de cette équipe servira de base sur la suite à réserver à cette demande. Jean-Pierre Missago de Nyagasaka, Radio Isanganiro. Le nombre de victimes de violences sexuelles basées sur le genre a baissé de 21 329 depuis l'an 2017 à 14 929 jusqu'en 2021 sur tout le territoire national. Malgré cela, les défis s'observent surtout en milieu scolaire. C'est le résultat d'une étude effectuée par l'association Ichiro Chamahoro dans un atelier de ce mardi sous la thématique plaidoyer pour intégrer la dimension lutte contre les VBG dans les curricula scolaires au Burundi. Émerancienne Nduimana, présidente de cette association, avec d'autres intervenants, invite la société civile à se joindre à eux pour convaincre les décideurs afin d'éradiquer ce fléau. Parle, rassure-moi. La chronique parle, rassure-moi, de ce mercredi revient sur la lutte contre les messages de haine pouvant être utilisés par des enfants scolarisés ou non suite à des activités politiques. Des habitants de la commune Bukemba disent avoir vécu ces scénarios. Cependant, David Ninganza, un des responsables de la SOGEPAE, militant pour la protection des enfants, alerte sur les conséquences de ces messages et comportement des politiques sur la vie de ses enfants. Mireille Kanyangé nous en dit plus. En période électorale surtout, des messages et discours agressants d'autres groupes sont utilisés et les enfants les captent et les répètent tels qu'ils sont, dit David Ninganza, un des responsables de la SOGEPAE Burundi, organisation engagée dans la protection de l'enfant. Ah oui, dans ces derniers jours, nous avons observé qu'il y a des enfants qui sont manipulés politiquement, qu'il y a des enfants qui sont manipulés par des hommes politiques et par des responsables politiques et cela est manifesté à travers des chansons, à travers des mots, parce que il y a des enfants qui utilisent des mots violents, qui utilisent des mots choquants. Il y a des enfants qu'on trouve qui sont déjà entrés dans le système d'appliquer des stéréotypes et des préjugés. Et ça, c'est dangereux. Suite à des slogans véhiculés par des politiques, des habitants de la colline Butare en commune Bukemba de la province Rutana affirment que les enfants les répètent sans en comprendre les détails. De son côté, Jean-Marie Butoyi, conseiller communal au développement, appelle les parents à sensibiliser leurs enfants sur des interdits dans la société burundaise. David Ninganza de la SOGEPAE rappelle que les messages haineux contenus dans les chansons ont des conséquences fâcheuses sur l'éducation d'un enfant. Donner des messages de haine aux enfants, c'est de se tromper, c'est de faire du mal aux enfants, c'est faire du mal à la famille. C'est aussi la destruction méchante de notre société parce que le pays attend énormément de ses enfants. Ce sont ces enfants qui vont construire le pays tenant compte de ce qu'ils ont eu quand ils étaient encore sur le banc de l'école, quand ils étaient encore entre les mains des parents. Il interpelle parents et politiques à bannir ce genre de messages pour bâtir une communauté sans violence. Voilà, c'est sur cette chronique que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Inosa Ibonimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikoumananga. Bonne suite des programmes sur Sanganito.